crime, tu me fais le criminel. Tu me dis pourtant ne la brosse pas, c'est ma copinelle. Tu parles mal, tu pourrais finir à l'hôpital. Car ici quand y'a pas de flingue, ça se termine à l'opinel. Fermez vos gueules, bande de fils de pute. J'ai fermé sous mes taillis sous le soleil. La confiance ça n'existe plus, ça vient chez toi, ça t'oulève pendant que ta mère sommeille. Putain c'est bizarre, je grandis, j'évite le quartier. Plus je fume, plus j'oublie, plus je pleure, moins je souris. J'en ai marre de courir, voir les schmitts, faire les macs, les menottes. À croire qu'ils aiment nous voir souffrir. J'ai passé mon temps à voir mes potos dans la merde. Ils m'ont dit no comprende. À croire que le ciel leur est tombé dessus. Mes soi-disant frères me critiquent, nous toi de les emmerder. Je pleure des larmes, tout seul, j'affronte mes soucis. Tout seul, je regrette mon frère parti. Tout seul, je reste avec mes vrais même quand j'ai besoin de douceur. Tu peux me dire ce que tu veux, j'ai vu ton vice poto. On sera jamais les mêmes potos. Que ça tire, la galère tout le temps on se la tire. Mais putain on avait tellement de choses à bâtir. Je referai jamais le monde avant de partir. J'suis comme un autre, j'essaie de m'en sortir. Y'a des jaloux, c'est pas grave, maman me conseille tout le temps sur eux avant de sortir. J'me dois d'avancer, j'ai un gros pas sur moi. Manager, j'aime, j'vais tout niquer pour toi. Même mon meilleur pote peut parler sur moi. On m'a dit c'est rien, t'inquiète, prends sur toi. J'cherche pas les mises, cherche à me trouver. Je cherche pas la merde, cherche à se prouver. Je les regarde pas, eux cherchent à me troubler. Je pense à vivre, ils pensent à se trouver. T'as la boule au ventre quand t'as le bruit de vroom vroom. Cache pas même quand t'as mal, quand t'entends le vroom. Vas-y cavale, fais attention, tu parles mal, tu veux nous la faire mais t'es pas mal. Souris te cache pas même quand t'as mal, quand t'entends le vroom. Vas-y cavale, fais attention, tu parles mal, tu veux nous la faire mais t'es pas mal. Vroom vroom.